êtes à Sifu pour l'écouter. 89.1. Mathieu Plante Show. Dans Television Television, le secteur télévisuel canadien veut un code de conduite sur l'inconduite sexuelle. Dans Merci Science, un implant dans le cerveau pour nous rendre heureux. Dans CNX, votre téléphone pourra détecter un jour si quelqu'un regarde par-dessus votre épaule. Et dans Tout ce qui bouge, des consoles de jeux et des salles de sport dans les trains allemands. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Voici celui qui attend les simulateurs de jeux vidéo dans les simulateurs de train, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 27 novembre 2017, la chronique télévisuelle Television Television, la rubrique de sciences, technologies, médecine, merci science et le segment Geek CNX. Malheureusement, on n'a pas Frédéric Simon ni Samuel Girard cette semaine, donc pas de section jeux vidéo du tout. Triste. À la semaine prochaine. Hein? Dans quelques minutes, ce sera Television Television, mais avant ça, on écoute un petit peu de musique chiptune. On a débuté l'émission avec une pièce de Amateur Last DJ, un de mes préférés, la pièce Novice. Et on se continue ça avec Frank Ngati Is Dead. Voici Fade and Shit Bird Careless Whisper. Au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. 89 FM. And Shitbird par Frankie Gotti Is Dead, un remake de la fameuse pièce Careless Whisper de George Michael. On m'a tué plein de choses. Wow, ça prend une tournure qu'on n'aurait pas pensé que ça allait prendre. Toujours Mathieu Plante Show, maintenant c'est Television, Television. C'est Télévision, Télévision, donc on parle des nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Commençons au Québec avec une très bonne nouvelle pour les gens de chez Urbania. Des productions d'Urbania s'exportent en Europe. 3 séries qui sont diffusées en France et en Italie. Grâce à sa collaboration avec Encore Distribution, 3 des séries documentaires d'Urbania trouveront un nouveau public via les petits écrans de France et d'Italie. Bientôt, la chaîne RMC Découverte, une chaîne spécialisée en France, diffusera 27 épisodes de 30 minutes de Chasseurs d'épaves. Cette série nous entraîne dans les profondeurs du fleuve Saint-Laurent, connu pour ses eaux troubles et ses courants capricieux. Accompagné de son équipe de plongeurs, Samuel Côté traque les navires qui gisent dans les abysses du fleuve et ressuscite leur mystère. La même chaîne proposera aussi Moto Café Racers, 10 épisodes de 30 minutes, qui nous ouvre les portes des ateliers de l'artisan designer mécanicien Guillaume Brochu, un passionné de moto vintage. Dans cet univers fascinant, on découvre comment ces motos sont démontées et reconstruites minutieusement pour en faire non seulement des engins performants uniques, mais aussi de véritables œuvres d'art. La chaîne italienne Sky Italia diffusera quant à elle 22 épisodes de 30 minutes de la série Sexplora. L'animatrice Lily Boisvert interroge les meilleurs spécialistes, recueille les témoignages les plus étonnants, déboulonne les mythes les plus tenaces et s'attaque aux idées reçues dans cette série où se rencontrent la science et l'irrévérence pour parler de sexualité avec sérieux, sans tabou ni jugement. On ne sait pas encore si les émissions vont être doublées ou sous-titrées dans le cas de l'Italie pour la France. On se le demande aussi finalement, hein? Maintenant, on va au Canada pour parler d'inconduite sexuelle. Oui, je sais, on en parle beaucoup. Oui, je sais. Il y a encore de nouvelles personnes accusées ce matin, entre autres Matt Lauer du Today Show. On n'en parlera pas en trop grand détail. Allez vous renseigner si ça vous intéresse. Mais on parle du secteur canadien télévisuel qui veut un code de conduite. Des groupes représentant les acteurs, les agences de casting, les réalisateurs et d'autres artisans de l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision soutiennent que l'adoption d'un code de conduite fait partie des étapes nécessaires pour stopper les inconduites sexuelles dans le milieu. Plus d'une douzaine d'organisations se sont réunies à Toronto pour discuter de ce qui doit être fait pour limiter le problème. Dans un communiqué, elles ont annoncé qu'un code de conduite permettrait de définir clairement ce qui est un comportement inapproprié ainsi que les conséquences encourues par les personnes qui posent de tels gestes. Certaines personnes ont affirmé que les inconduites sexuelles font partie de la réalité de l'industrie cinématographique au Canada depuis longtemps et que le problème semble s'aggraver. Les récentes allégations de harcèlement et d'agression sexuelle contre évidemment plein de gens, pas besoin de les renommer à chaque fois. Donc c'est une problématique qui a été quand même assez mise en lumière depuis les derniers mois. Les regroupements ont aussi convenu d'établir de nouvelles méthodes de dénonciation de comportements répréhensibles afin d'assurer la protection des victimes contre toute forme de représailles. Selon le communiqué des membres de l'industrie canadienne, ils prévoient mettre sur pied un programme d'éducation et faire en sorte que les politiques existantes concernant les inconduites sexuelles soient appliquées. C'est l'ACTRA, qui est l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists, qui a eu l'initiative de réunir ces organismes représentant les artisans de l'industrie. On va aux États-Unis où NBC développe un drame basé sur les tornades. American Disaster de Muse Entertainment. Donc NBC a mis en développement le drame American Disaster de l'écrivain Michael McGrail, qu'on connaît pour CSI Miami et The Following. Le réalisateur Darren Serafian, qu'on connaît pour House, The Strain, Hell on Wheels et d'autres. Muse Entertainment et Universal TV. Donc écrit par McGrail, American Disaster sera centré sur une communauté du Midwest américain qui doit évidemment se rapprocher encore plus après une tornade catastrophique. Le projet serait une série d'anthologies, donc ça attaquerait à chaque saison un désastre naturel différent, un peu comme American Crime Story, American Horror Story, prend la même distribution mais change le principe ou change de distribution et de principe, peu importe. Donc voilà, ça s'en vient potentiellement, c'est en développement en ce moment. Ensuite, pour The L Word, vous savez peut-être que l'émission va revenir et il va y avoir une nouvelle showrunner. Oui, oui, la chaîne américaine Showtime qui vient d'annoncer une nouvelle showrunners, on va le dire au féminin, pour le reboot de la série télévisée The L Word. Lors de l'annonce du reboot de l'émission The L Word, le réseau Showtime avait annoncé que la créatrice Eileen Shakin serait la showrunner de cette dernière émission. Néanmoins, après plusieurs mois de réflexion, la scénariste Marja Lewis Ryan sera finalement la showrunner et productrice exécutive du redémarrage de The L Word. Eileen Shakin hérite aussi le rôle de productrice exécutive. D'ailleurs, les actrices Jennifer Beals, Catherine Monig et Alicia Haley reprendront leur rôle dans cette émission avec de nouveaux acteurs. Dans un communiqué à l'attention de la presse, Marja Lewis Ryan a déclaré qu'elle était excitée à l'opportunité de créer la prochaine génération de personnages queer. Elle dit qu'elle ne pouvait pas imaginer meilleur moment pour faire cette série. Pour rappeler un petit peu la série The L Word qui décrit la vie et les amours d'un groupe de femmes lesbiennes, bisexuelles ou transgenres et de leur entourage dans le quartier de West Hollywood à Los Angeles. Vous pouvez aller voir la bande-annonce sur assemblagerequis.com. Stephen Knight va adapter les romans de Charles Dickens pour la BBC One. Intéressant quand même, on passe à l'international par le fait même. Donc le créateur de Peaky Blinders, Stephen Knight, va attaquer l'histoire de Ebenezer Scrooge, mettant un petit peu sa propre petite twist sur Charles Dickens. Il va être partenaire avec l'équipe de son autre émission dramatique acclamée par la critique Taboo. BBC One a commandé la série d'adaptations de romans classiques de Dickens qui seront produits par Scott Freelandon, la compagnie de Ridley Scott, en association avec Hardy Son & Baker, la compagnie de Tom Hardy. Le projet va démarrer avec une série série en trois parties de A Christmas Carol qui va être diffusée pendant la saison des fêtes en 2019. Commandé par Pierce Wenger, qui est le controller, le contrôleur, je sais pas comment on dit ça, vraiment littéralement dans la télé, le controller de chez BBC Drama, ainsi que Charlotte Moore, qui est la réalisatrice du contenu chez BBC, directrice du contenu, c'est ça, Director of BBC Content. Bref, ces transferts-là vont utiliser le style très unique de Monsieur Knight, et donc c'est ça. C'est pas mal ça pour ça. Ensuite, passons, il y a plein d'autres détails, mais je vous laisse aller les lire si ça vous intéresse sur assemblagerequis.com. On reste à la BBC One avec David Heyman qui va adapter The Long Song. Donc, en plus d'être de participer au prochain film de Quentin Tarantino, le producteur de Harry Potter va adapter le roman de Andrea Levy, The Long Song, en drame de luxe pour la BBC One. Donc, ça raconte les derniers jours de l'esclavage en Jamaïque. C'est produit par Hayley Television, la compagnie de Heyman. C'est aussi une aventure avec NBC Universal. Ça va être écrit par Sarah Williams, qui a coécrit Small Island pour BBC One, et Paula Milne, qui a travaillé sur... c'est ça? Non, pardon, ok. Elle avait co-écrit BBC, l'émission Small Island avec Paula Milne. Voilà, qui est plus clair maintenant. Donc, The Long Song qui s'en vient. Ensuite, on va sur Internet avec Spike Lee qui transforme son premier film en série pour Netflix. Oui. Le turbulent cinéaste Spike Lee, qu'on connaît pour Do the Right Thing et Malcolm X, offre sa première série télé jusqu'à maintenant. Et pour l'occasion, il va revisiter son premier long métrage, le premier Spike Lee joint, qu'on appelle She's Gotta Have It. Le film d'1h30 de 1986 est devenu une série de 10 épisodes d'une trentaine de minutes chacun. La trame de fond reste la même, c'est-à-dire qu'on suit les aventures d'une femme, Nola Darling, qui entretient des relations avec trois hommes très différents tout en se réclamant une farouche indépendance, en se définissant comme une polyamoureuse pansexuelle avec une approche positive de la sexualité. Situé dans le précieux Brooklyn de Spike Lee, la version actualisée de She's Gotta Have It touchera aussi les mêmes thématiques que le film, c'est-à-dire la place de la femme émancipée dans les moules conventionnels de l'Amérique, l'embourgeoisement d'un quartier et les abus des hommes sur les libertés et les envies des femmes. L'exercice d'adaptation n'est pas inintéressant, nous dit Journal Métro. Il permet d'ailleurs à Lee de corriger le tir sur certaines décisions prises lors du film, dont une scène de viol qu'il regrette, mais il comporte son lot d'impairs, nous disent-ils. Et là, le reste continue sur une critique. Donc, la série She's Gotta Have It de Spike Lee sur Netflix. Continuons justement avec Netflix. On parle un petit peu du tournage de la 6e saison de House of Cards qui pourrait reprendre dès le mois de décembre. Officiellement arrêté depuis le mois dernier, on connaît tous la raison, Kevin Spacey, agression sexuelle présumée, etc., etc. La société de production Media Rights Capital espère bien relancer rapidement le tournage de la 6e saison de l'émission. Par le biais d'une lettre obtenue par le média américain TV Line, Media Rights Capital a récemment indiqué aux acteurs et à l'équipe de production que le tournage de la saison 6 de la série télévisée House of Cards, produite par David Fincher, Eric Roth, Andrew Davies et Michael Dubb, sera normalement relancé d'ici le mois de décembre. Je cite, nous continuons de travailler avec la plateforme Netflix dans l'espoir de reprendre la production bientôt. Alors que nous poursuivons les discussions, nous avons déterminé conjointement que l'équipe sera payée pour une pause supplémentaire de 2 semaines, du 27 novembre au 8 décembre. Dans la suite de cette fameuse lettre, les producteurs espèrent que toute l'équipe de production sera présente lors de la reprise du tournage et indiquent que, je cite, « ces deux derniers mois ont mis à l'épreuve chacun d'entre nous d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Ce que nous pouvons dire de ce processus, c'est que ce projet est bien plus grand qu'une seule personne. Nous ne pourrions être plus fiers d'être associés dans cette industrie particulière à des acteurs et membres de la production aussi talentueux et loyaux. Nous reviendrons vers vous avec des informations complémentaires le 8 décembre prochain. » Donc on va surveiller ça. Et pour terminer, toujours sur Internet, on va sur YouTube Red, qui commande un pilote du trio qui est derrière Santa Clarita Diet sur Netflix. Hein? Donc, c'est Deadline.com qui nous rapporte que YouTube Red a donné le feu vert à Widow, une série comédique mais noire de l'équipe d'écrivains et producteurs derrière Santa Clarita Diet. On parle de Leila Cohen-Michio et les producteurs exécutifs Tracy Katsky et Aaron Kaplan. Écrit par Cohen et Michio, Widow parle de Rachel, une jeune femme dont le mari meurt pendant qu'ils sont en train d'avoir des difficultés les deux, et elle ne le prend pas très très bien. C'est ce que ça dit. Donc ça sent bien quand même, les nouvelles sont très brèves cette semaine dans Television. On continuera avec Merci Science tout à l'heure, mais avant ça, on écoute une pièce de PSS 270. Voici Micro Music Work, MPS le Mathieu Plante Show. Sur c'est vous. Ah. We'll be right back. 89. Blood Code avec 32-Bit Dreams featuring Soft Proxy. C'est pas mon genre de musique habituellement, ça fait un petit peu pop je trouve, mais La chose intéressante, c'est que la chanson au complet est basée sur ce son que vous entendez, qui vient d'arriver, celui-là, qui est le son d'ouverture quand tu démarres une Game Boy Advance. Donc, c'est pour ça que j'ai fait jouer. Je trouvais ça cool comme idée. Maintenant, toujours Mathieu Plancho, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. On commence avec une greffe de peau, un grand brûlé qui a été sauvé par son frère jumeau. Gravement brûlé sur presque tout le corps, condamné à mourir, un homme a été sauvé par une greffe de peau provenant de son frère jumeau, un Wozigoth. D'après les médecins qui l'ont soigné, l'opération est une première par son ampleur. Le lien entre ses vrais jumeaux, comme on l'appelle, est fusionnel. Donc Franck, 33 ans, brûlé sur la quasi-totalité du corps, 95%, et condamné à mourir, a été sauvé grâce à la greffe de peau provenant de son frère, une première selon les médecins qui l'ont soigné. Je cite, c'est la première fois qu'on réalise une greffe de peau entre jumeaux sur 95% du corps. C'est spécifique comme première fois quand même. Des brûlés ont déjà été greffés avec de la peau de leurs vrais jumeaux, mais jamais sur une telle étendue où les chances de survie sont quasiment nulles. Les cas publiés jusque-là dans le monde allaient de 6 à 68% environ et portaient sur 45% de la surface du corps en moyenne selon le chirurgien. L'avantage est que cette peau greffée ne sera jamais rejetée sans nécessité de traitement immunosuppresseur, donc anti-rejet, puisque ces vrais jumeaux ont un capital génétique identique selon les médecins. Alors, ça s'est passé le 27 septembre 2016, où Franck avait été admis au centre spécialisé de l'hôpital Saint-Louis de Paris. Brûlé à 95% sur son corps, il a été pris en charge par le professeur Mimoun et l'équipe du professeur Alexandre Mébaza en anesthésie et réanimation. Et les médecins ont découvert qu'il avait un jumeau homozygote, donc issu du même œuf. Et en acceptant de lui donner sa peau, ce dernier, Eric, lui a sauvé la vie. Vous pouvez voir le reste des détails sur assemblagerequis.com. Maintenant, un cartilage en Kevlar pour soigner les blessures aux articulations. En espagnol, est-ce que ça se dit Kevlar? Mais quand même, c'est Kevlar ici. On pense à l'utilisation du Kevlar dans les gilets pare-balles, entre autres. Et bien maintenant, on a un cartilage pour soigner les blessures touchant les articulations. C'est les chercheurs de l'Université du Michigan et de l'Université Yangnan qui ont conçu le Kevlar-tilage. C'est une fusion, un smoosh, comme on l'appelle, entre Kevlar et cartilage. C'est malin. Un hydrogel à base de Kevlar reprenant les caractéristiques du cartilage naturel. Le cartilage synthétique a le même mécanisme, il relâche de l'eau lorsque stressé et l'absorbe plus tard comme une éponge. Les nanofibres aramides construisent la structure du matériau, tandis que le PVA piège l'eau à l'intérieur du réseau lorsque le matériau est exposé à un étirement ou à une compression. Même les versions du matériau qui avaient 92% d'eau offraient une résistance similaire à celle du cartilage. La version à 70% offre la même élasticité que le caoutchouc. Cela étant dit, il se passerait probablement de longues années avant que ce Kevlar-tilage ne soit un jour utilisé dans les hôpitaux. Pour l'instant, les chercheurs s'occupent à faire breveter leur découverte et à trouver des partenaires pour commercialiser cette technologie. Ensuite, une chirurgie au laser qui permet de changer de couleur d'yeux en 20 secondes. Pas changer de couleur d'yeux, comme dans genre Dieu va changer de couleur. Non, on parle des yeux. Les yeux, hein? Voilà, on dit que 17% seulement de la population mondiale en profite naturellement du fait d'avoir des yeux bleus. Sinon, il faut passer par des lentilles de contact. Et bien, cette nouvelle chirurgie au laser pourrait faire que tout le monde va avoir les yeux bleus. Une procédure révolutionnaire qui a été mise au point par la société américaine Stroma Medical. Le laser va éliminer la mélanine, qui est le pigment aussi responsable de la couleur de nos cheveux et de notre peau, à la surface de l'iris et permettre à la lumière d'entrer et de se disperser dans le stroma, les fibres qu'on voit dans un œil éclairé. L'effet est similaire à la dispersion de Rayleigh, qui veut notamment que les ondes proches du bleu soient davantage diffusées que celles du rouge. Le principe ici, c'est que sous chaque œil marron se trouve en fait un œil bleu, disait le docteur Greg Homer à CNN en 2015. Pas question donc d'ajouter une pigmentation bleue. La seule différence entre un œil marron et un œil bleu, c'est cette petite couche de pigment à la surface. Si on l'enlève, alors la lumière pénètre le stroma et lorsqu'elle se diffuse, seules sont réfléchies les longueurs d'onde les plus courtes et le côté bleu du spectre visible. Si la procédure en elle-même ne prend que 20 secondes, les yeux bleus n'apparaissent pas avant plusieurs semaines, le temps pour le corps de se débarrasser de totalement toute cette petite couche de tissu. Et apparemment, c'est difficile de blesser le patient avec ce laser puisque l'énergie est extrêmement faible. Depuis, le laser ne traite que l'iris sans jamais entrer en contact avec les nerfs oculaires, par exemple. La procédure donc de Stroma Medical semble sûre, peu coûteuse et très pratique, mais il faut encore obtenir l'autorisation avant de pouvoir le pratiquer. Les tests cliniques devraient être achevés d'ici quelques années. De leur côté, l'industrie médicale, les ophtalmologues en particulier, n'approuvent pas vraiment la technique, se disant très sceptiques, notamment parce que l'œil est l'un des organes les plus sensibles du corps humain et que la procédure est irréversible. Ça pourrait à terme favoriser le développement de glaucome. Continuons avec le biohacking. Un homme qui modifie son ADN pour être plus musclé. Oui, afin de paraître plus musclé, le biohacker Josiah Zahner a expérimenté sur lui le système CRISPR-Cas9 dans une expérience visant à supprimer le gène de la myostatine dans les cellules du bras. Il se propose aussi de vous aider à modifier vous-même votre ADN grâce à un laboratoire maison. Il prétend être le premier homme à avoir modifié son propre ADN et veut faire profiter le grand public de sa technique grâce à son blog. En utilisant le système d'édition génomique CRISPR-Cas9, Josiah Zahner a tenté d'inactiver le gène de la myostatine de cellules de son bras à la myostatine qui inhibe la croissance musculaire. Donc, logiquement, si l'expérience a fonctionné, Josiah Zahner devrait voir ses muscles grossir. Ce dernier s'est en effet injecté dans le bras une molécule d'ADN codant pour la protéine Cas9 et un ARN guide, un ARN étant... une molécule constituée d'un enchaînement de ribonucléotides qui cible la séquence du premier exon. Un exon étant un fragment de gène dont la séquence d'ADN après transcription se retrouve dans les ARNM maturés. Ça m'aide pas tant que ça, finalement, de comprendre ça. Bref, l'idée est que dans la cellule, Cas9 coupe le gène de la myostatine qu'elle aura reconnu grâce à l'ARN guide. Le biohacker a commandé l'ADN nécessaire et l'a amplifié dans des bactéries. Il a purifié par électrophorèse et a préparé la solution pour l'injection. Ensuite, il faudra faire une biopsie et analyser les cellules musculaires pour savoir si ça a fonctionné. Il a mis en ligne un guide pour les personnes qui aimeraient tenter l'expérience, peut-être attendre de voir les résultats avant. Il signale aussi qu'il est conscient des risques liés à cette technique. Josiah Zahner, par contre, n'est pas vraiment un amateur. C'est un docteur en biophysique qui a travaillé pendant 2 ans à la NASA. Comme tout le monde, dans le cadre d'un programme de recherche sur la biologie synthétique. Aujourd'hui, il dirige l'entreprise qu'il a créée, qui s'appelle The Odin, O-D-I-N, et commercialise du matériel pour réaliser chez soi des expériences de biologie moléculaire. C'est quand même assez fancy tout ça. Ensuite, un implant dans le cerveau pour nous rendre heureux. Aux États-Unis, des chercheurs testent des électrodes destinées à réguler nos sentiments. Le but est de mieux lutter contre certaines pathologies mentales. Pourrons-nous bientôt contrôler nos humeurs grâce à une puce logée dans le cerveau? C'est ce que pensent plusieurs chercheurs financés par la Defense Advanced Research Projects Agency, donc la DARPA, qui est l'agence de recherche et de développement de l'armée américaine. À l'occasion d'une convention de la Société des neurosciences, 2 équipes ont annoncé les premiers tests d'implants destinés à réguler nos sentiments. Leur ambition est de lutter contre les maladies comme la dépression. Basée à l'Université de la Californie du Sud, la première équipe a pris pour cobaye 6 patients souffrant d'épilepsie, une maladie neurologique pour laquelle ils sont déjà traités à l'aide d'électrodes implantées dans le cerveau. Durant 3 semaines, les scientifiques ont suivi leur activité cérébrale ainsi que leur humeur, oui. Ils ont ensuite pu associer ces différentes humeurs à des niveaux d'activité cérébrale pour en déduire des schémas répétitifs. Une seconde équipe est basée au Massachusetts General Hospital. Son approche consiste à s'appuyer sur des comportements souvent associés à des pathologies mentales, comme des troubles de la concentration, genre moi. En cartographiant l'activité cérébrale liée à ces comportements, les chercheurs affirment pouvoir développer des algorithmes capables de stimuler électriquement le cerveau, permettant par exemple aux patients de se reconcentrer sur une tâche. L'envoi d'impulsions électriques devrait également être testé par l'équipe californienne. En médecine, l'usage de la stimulation électrique n'est pas nouveau, nous dit 0.1net.com. Cette méthode est notamment utilisée pour combattre la maladie de Parkinson, mais c'est la première fois que les implants spécifiquement prévus pour traiter des pathologies mentales sont testés sur des humains. Pour l'armée américaine, le but est de mieux lutter contre la dépression et le stress post-traumatique des anciens militaires. Et même en cas d'efficacité, on dit que cette solution pourrait cependant poser des problèmes éthiques liés à l'apparition d'une prothèse du bonheur. Il y a toujours une question éthique derrière tout. Ensuite, parlons du courant électrique qui pourrait rendre meilleur en maths. Après la bonne humeur, être bon en maths, c'est pas pire ça. Comment améliorer ses performances en mathématiques sans plancher des heures durant sur un livre, oui. Il suffit de quelques chocs électriques dans un endroit bien précis du cerveau pendant la résolution d'un problème et les capacités du calcul s'améliorent. De quoi donner des idées à quelques semaines des examens. Je déteste les articles qui commencent comme ça, mais bon, futur à science, hein. Bref, des chercheurs de l'Université d'Oxford viennent de montrer qu'on pouvait améliorer les compétences en mathématiques en envoyant un faible courant électrique dans une région précise du cerveau durant la résolution d'un problème. La rumeur prétend qu'on exploite que 10 ou 30% des capacités de notre cerveau. Bon, ça dépend des sources. Cet organe si particulier comporte encore son lot de mystères. Mais les scientifiques pensent qu'il est possible d'augmenter sa puissance en utilisant les moyens adéquats. Ainsi, en 2010, Roy Cohen-Kadosh et ses collègues britanniques ont montré que l'envoi d'un courant électrique de faible intensité dans le lobe pariétal droit du cerveau, impliqué dans la compréhension des nombres, permettrait de mieux retenir une série de chiffres. Mais c'était pas suffisant pour eux. Désireux de passer à l'étape supérieure, ils ont entrepris une série d'expériences dans le but d'améliorer directement la capacité de calcul. Et comme ils ont expliqué dans la revue Current Biology, leurs efforts se sont révélés payants. Dans ce nouveau travail, donc 25 volontaires ont pris part aux expérimentations. Tous se voyaient équipés d'électrodes placées au sommet du crâne à des endroits bien précis. Durant des sessions mathématiques étalées sur 5 jours, 13 d'entre eux recevaient un courant électrique dont l'intensité fluctuait de manière arbitraire, par exemple stimulation transcrânienne de bruit aléatoire, dans une région précise du cerveau, le cortex préfrontal, préfrontal dorsolatéral. Dont on suppose qu'il joue un rôle dans la réflexion mathématique. Les 12 autres, en revanche, faisaient office de groupe placebo. Ceux-ci ne recevaient pas du tout de décharge. En parallèle, une spectroscopie dans le proche infrarouge permettant d'observer le flux sanguin et d'en déduire le métabolisme a été pratiquée chez tous les participants afin d'étudier d'éventuelles différences. Lors des tests, les volontaires au cerveau électrisé, oui, se sont montrés meilleurs que les autres pour retenir des équations qu'ils avaient préalablement vues, qu'ils ont mémorisées 2 à 5 fois plus vite. En plus, leurs capacités de calcul ont été améliorées de l'ordre de 30 à 40% par rapport à celles du groupe témoin. Lorsqu'on regarde le métabolisme cérébral, il est pourtant plus faible chez les volontaires traités. Leur cerveau est plus efficace en utilisant pourtant moins d'énergie. La stimulation électrique semble donc faciliter la mémoire mathématique et les aptitudes à compter sur le court terme. 6 mois plus tard, 6 participants de chaque groupe ont accepté de reprendre part au test. Les capacités de calcul restaient toujours supérieures dans le lot de ceux qui avaient été soumis au courant électrique. Et encore mieux, ces performances pouvaient être généralisées. Ainsi, ils n'étaient pas uniquement plus brillants pour résoudre les équations déjà vues par le passé, ils se montraient également meilleurs pour trouver les résultats de problèmes du même ordre. En revanche, l'aspect mémoire, lui, avait régressé et les deux groupes présentaient des performances équivalentes. Donc, est-ce le secret pour réussir ces épreuves en maths? Ben, c'est encore trop tôt pour le dire et l'expérience absolument non douloureuse ne peut être généralisée à partir d'un échantillon aussi faible, nous rappelle Futura Science, mais ça ouvre des perspectives réjouissantes qui ne sont peut-être que les prémices d'une voie très prometteuse. Pour les auteurs, ce gain de potentiel mathématique s'expliquerait par une plus grande excitabilité des neurones du fait du courant électrique circulant, facilitant une activation synchrone des cellules cérébrales. Mais avant de voir débarquer de tels dispositifs dans les salles de classe ou à la maison, ça va prendre du temps. D'une part parce que les électrodes doivent être minutieusement placées par des experts et l'entraînement exige d'être tout aussi précis, et d'autre part car on ignore si la technique est sans danger. Et il y a quand même des doutes derrière ça. Dans leur précédente expérience, ils avaient utilisé un courant de faible intensité en continu. Leurs investigations ultérieures ont révélé que la manipulation pouvait causer quelques troubles de la cognition. Dans ce nouvel article, ils ne font état d'aucun effet secondaire indésirable constaté, mais ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur. Hein? Faire attention. Toujours en science, bizarre un peu, comment ne pas renverser son café en marchant? On a tous déjà vécu ça, hein? On n'a jamais vraiment cherché la réponse. Pourquoi est-ce que le café se renverse quand on marche avec une tasse à la main? Hein? Une histoire de fréquence, de jambes, de mouvement et de contenant. Donc voici les conseils pour rejoindre son bureau depuis la machine à café sans passer par un dégât absolu. Bien sûr. Le café est l'une des denrées les plus échangées dans le commerce mondial. On le sait, c'est consommé partout sur la planète. Le café a acquis des vertus sociales. Bref, sautons 1000 paragraphes d'introduction. On parle de démarches à vitesse variable. Voilà. En étudiant des récipients de formats différents et des démarches à vitesse variable, un modèle mathématique a pu être établi, et pour celles et ceux qui en ont assez de renverser leur précieux liquide, l'étude fournit également son lot de conseils pratiques. Les erreurs, donc, à ne pas commettre. Marchez vite, car ceux qui croient que ce phénomène est dépendant du temps et qu'en raccourcissant la durée du parcours, on se prémunira d'une chute de café, courent au-devant de déconvenues certaines. Les oscillations dans la tasse sont amplifiées et quelques pas suffisent à perdre tout le contenu. Ensuite, regardez devant soi. Lorsqu'on focalise son attention sur sa tasse, on avance d'une part moins vite, car on ne sait pas où on va. Parce qu'il faut tout de même veiller à éviter les chocs frontaux, hein? Mais nos poignets compensent automatiquement les balancements du café dans un bol. Ensuite, vouloir accélérer trop vite. Passer de 0 à 30 km/h en 2,6 secondes. Hein, c'est guère compatible avec un liquide chaud qui doit rester dans sa tasse. Une accélération progressive est cependant conseillée pour les plus pressés. Et finalement, ne pas faire ses lacets. Ça relève de l'évidence, nous rappelle l'article, mais lorsqu'on trébuche, on entraîne évidemment dans sa chute sa boisson chaude. Hein? Pour limiter davantage les risques, les deux auteurs qui comptent probablement passer leur doctorat de serveur préconisent des solutions nouvelles en s'inspirant des recherches de la mécanique des fluides menées pour mieux comprendre les mouvements des carburants dans les missiles. Selon eux, il faudrait probablement changer de contenant. Donc, au lieu de tasse ou de gobelet, un récipient souple absorberait bien mieux les oscillations. Un sac plastique pourrait même faire l'affaire. Reste à trouver comment transporter un sac de plastique et du café dedans, hein? C'est chaud quand même. Rares sont ceux qui ont échappé au supplice du dégât, oui, pour avoir renversé leur boisson par terre. Le bon sens et l'expérience ne suffisent pas à maîtriser les techniques de base pour éviter que ce genre de mésaventure ne se produise trop souvent. Voilà un autre article de qualité. Et on termine avec la qualité du sperme qui est en baisse, et ce serait à cause de la pollution de l'air. Une étude menée à Taïwan révèle une association entre la présence de particules fines et des anomalies de morphologie des spermatozoïdes. Cependant, elle ne prouve pas directement que la pollution de l'air provoque une baisse de la fertilité masculine. Les effets de la pollution sur la forme des spermatozoïdes observés dans cette étude, qui a porté sur près de 6500 hommes âgés de 15 à 49 ans à Taïwan, sont faibles, mais compte tenu de l'omniprésence de l'exposition à la pollution de l'air, un faible effet des particules fines sur la morphologie comme la taille et la forme normale des spermatozoïdes pourrait entraîner l'infertilité d'un nombre important de couples, estiment les auteurs chinois de ces travaux publiés dans le journal spécialisé Occupational and Environmental Medicine. Les hommes participaient tous à un programme d'examen médical standard entre 2001 et 2014, au cours duquel la qualité de leur sperme a été évaluée. On parle du nombre total, de la forme, de la taille et du mouvement. Les niveaux de PM2,5, c'est ce qu'on appelle, ont été estimés pour l'adresse du domicile de chaque participant pendant une période de 3 ans, correspondant à la durée nécessaire pour générer le sperme, et sur 2 ans en moyenne, en utilisant une approche mathématique combinée aux données satellites de la NASA. Chaque augmentation de 5 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air sur une moyenne de 2 ans était associée à une baisse significative de 1,29% de la morphologie normale des spermatozoïdes selon l'étude. Paradoxalement, les chercheurs ont également observé une corrélation entre l'augmentation de la concentration des spermatozoïdes et la hausse des niveaux de particules fines. Il s'agirait, avance-t-il, d'un phénomène de compensation de la dégradation de la forme des spermatozoïdes, une explication qui n'a guère de fondement scientifique, critique Sheena Lewis, professeure émérite de médecine reproductive à la Queen's University de Belfast. L'étude basée sur l'observation n'établit pas de lien de causalité entre la pollution et les modifications du sperme enregistré, selon le professeur Kevin McConway, qui est un statisticien à l'Open University au Royaume-Uni. Les chercheurs ont tenu compte statistiquement de plusieurs facteurs tels que l'âge, l'éducation, l'indice de masse corporelle, le tabagisme ou la consommation d'alcool susceptibles d'influer sur les résultats. Mais selon le professeur McConway, ils ignoraient où travaillaient ces hommes. Ils n'avaient par exemple que des informations limitées sur leur exposition à d'éventuels effets nocifs au travail et donc ne pouvaient pas prendre tout en compte. Pour sa part, le professeur Alan Pacey, spécialiste britannique d'andrologie, révèle que l'évaluation de la taille et de la forme des spermatozoïdes est l'un des tests les plus difficiles à réaliser et peut donc être moins précis. En outre, ce critère ne serait pas aussi cliniquement pertinent qu'on le pensait, d'après de nombreux médecins et scientifiques, note-t-il dans un commentaire auprès du Science Media Center à Londres. Donc on est en train de dire que la nouvelle n'est pas vraiment une nouvelle. Voilà pour Merci Science, les liens sont sur assemblagerequis.com. Tout à l'heure, on sera rendu à CNX, mais avant ça, on écoute une pièce de musique chiptune. Voici YQN avec Out of Breath. Pour Mathieu Plante Show sur CIFI. Thank you. 89.1 FM. Peut-être reconnu une pièce de Diddy Kong Racing, c'est sur la compilation Future Dance Land de l'Electronic Tribute to Diddy Kong Racing, hommage à ce jeu de Nintendo 64 sorti en novembre 1997, donc on célèbre quand même vraiment le 20e anniversaire de Diddy Kong Racing, et on entendra une autre pièce plus tard dans cet album-là. Mais pour l'instant, c'est le segment Geek Scenics. Dash.com. C'est le segment de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. On commence la plupart du temps avec des robots. Et c'est, on ne fera pas exception aujourd'hui quand même. D'impressionnants muscles artificiels pour robots ont été mis au point. Des chercheurs ont mis au point donc, des muscles artificiels pour robots à la fois ultra puissants, légers et très bon marché. Les utilisations potentielles sont énormes. Reproduire l'efficacité des muscles sur les robots était particulièrement délicat. Les mouvements obtenus étaient souvent brusques, le poids d'un tel dispositif particulièrement nuisible et le coût très prohibitif. Tous ces problèmes devraient être prochainement résolus grâce à de nouveaux muscles artificiels, donc pour robots qui sont particulièrement impressionnants. C'est une équipe de chercheurs issus à la fois de l'Institut Weiss de l'Université Harvard et du CCL, qui est un des laboratoires du MIT, qui ont mis au point ces muscles artificiels pour robots. Ces muscles artificiels ont directement été inspirés des origami, ces techniques de pliage japonaises. Selon les auteurs de l'étude, ces muscles artificiels peuvent soulever 1000 fois leur poids. Une prouesse époustouflante qui offre des perspectives énormes. D'autres éléments étonnants et particulièrement intéressants, nous dit BigGeek.fr, c'est les possibilités de donner le mouvement souhaité aux muscles artificiels. Ceux-ci peuvent d'ailleurs être programmés dans le matériel utilisé. Il est aussi possible de leur donner une force de préhension capable de se saisir d'objets, même délicats. Le principe de fonctionnement de ces muscles artificiels est particulièrement simple en apparence. Une structure pliée comme s'il s'agissait d'un origami et est enfermé dans un sac de plastique. Des bobines métalliques sont aussi utilisées. En faisant le vide dans ce sac, la structure se contracte et se plie seule avec une force colossale. En y mettant de la pression, l'effet est inverse et le muscle se détend. Des matériaux très simples et faciles à trouver qui permettent de construire facilement des muscles artificiels très légers et à très bas coût. Les chercheurs estiment qu'un tel muscle coûte moins de 1$ à fabriquer. Les applications possibles de ces muscles artificiels sont innombrables et offrent des perspectives inimaginables. On reste chez les robots avec une double main robotique pour l'homme augmenté. U-Bionic qui ajoute deux mains robotisées contrôlées avec des flexions de l'index et de l'annulaire. Un concept qui demande à démontrer son utilité, mais qui pourrait au moins ravir les amateurs de cosplay. Quand même, donc une paire de mains robotisées qu'on actionne avec les mouvements des doigts. Le résultat assez curieux, nous dit Futura Science, n'est pas sans rappeler certains concepts d'exosquelettes comme celui à deux bras créé par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. U-Bionic est une jeune pousse italienne qui travaille depuis 3 ans sur une main bionique programmable fabriquée par impression 3D qu'on peut contrôler grâce au mouvement des doigts. L'entreprise vend cette main prête à l'emploi ou sinon les plans pour la fabriquer soi-même avec une imprimante 3D. Et U-Bionic a eu l'idée d'assembler deux mains sur un support à installer sur l'avant-bras. Les membres artificiels se présentent dans le prolongement de la main humaine. Des capteurs de flexion situés au niveau de l'index et de l'annulaire. permettent de mouvoir l'une ou l'autre des mains robotisées. La vidéo de démonstration montre un degré de mobilité assez rudimentaire qui permet seulement d'ouvrir ou de fermer la main, mais il est probable que le contrôleur Arduino qui commande le dispositif puisse être programmé pour étoffer les possibilités. Cependant, on ne sait pas trop à quoi ça peut servir et Ubaranik se garde bien de faire la moindre démonstration, mais se fait dithyrambique. Je cite, ceci est le premier équipement robotique portable qui va faire évoluer la race humaine vers quelque chose de nouveau pour transformer l'humain en homme augmenté. Ouais. Donc en revanche, cette double main pourrait sans doute servir pour créer des effets spéciaux au cinéma ou sinon les gens qui font du cosplay, comme on disait en début d'article. Ensuite, nouvelle peut-être un petit peu plus courante que vous avez peut-être lu ou vu passer, c'est que Facebook veut prévenir le suicide avec l'intelligence artificielle. Le plus grand réseau social au monde, a activé un système qui parvient à signaler automatiquement les comportements suicidaires dans les publications écrites et les vidéos, y compris les vidéos en direct, plus rapidement que les humains. Après 9 mois de tests aux États-Unis, Facebook a maintenant suffisamment confiance en son système basé sur l'intelligence artificielle pour commencer à le déployer mondialement, sauf dans l'Union européenne où les lois sont contre cette technologie-là. Une fois signalées, les publications sont portées à l'attention d'une équipe de spécialistes de Facebook consacrée à cette tâche-là 24 heures sur 24. Différentes options s'offrent à cette équipe lorsqu'on considère que la menace est sérieuse. Elle peut contacter directement la personne ou ses proches pour leur suggérer des ressources, comme des lignes téléphoniques de prévention de suicide. Lorsqu'un cas est urgent, oui, Facebook transfère les informations pertinentes à des spécialistes tels que des organismes ou des policiers pour qu'ils tentent de localiser la personne et qu'ils la prennent en charge. L'intelligence artificielle cherche certains éléments clés dans les messages envoyés par des personnes suicidaires, précise le communiqué de Facebook. Les commentaires de leurs amis peuvent aussi aiguiller le système. Facebook affirme que son intelligence artificielle a signalé des vidéos qui n'auraient, selon toute vraisemblance, jamais été remarquées autrement. Interrogé par le site TechCrunch au sujet des risques pour la vie privée de ses utilisateurs, toujours ça, Facebook a indiqué qu'il n'était pas possible pour ses membres de désactiver cette nouvelle fonctionnalité. Certains commentateurs ont souligné les dangers potentiels d'une telle technologie qui peut analyser en continu toutes les publications du réseau social pour détecter des éléments en particulier. Des fois, il y a des mauvais côtés qui se contrebalancent par les bons côtés de sauver des vies, mais bon. Le chef de la sécurité de Facebook a affirmé que son employeur allait s'assurer d'établir de bonnes normes en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment en mesurant les avantages et les désavantages. Tu vois, c'est exactement ce que je disais de la récolte de données personnelles. On continue sur le domaine de l'intelligence artificielle. Qui sait pour qui vous votez basé sur votre voiture? Les chercheurs ont développé une intelligence artificielle capable de dire si un quartier vote plutôt républicain ou démocrate, ou peu importe les partis, libéral ou peu importe, en se basant sur des photos prises par Google Street View. La recherche est menée par le professeur Fei-Fei Li, spécialisée dans l'intelligence artificielle et directrice du Stanford Artificial Intelligence Lab et du Stanford Vision Lab. Avec ses équipes, elle a développé une intelligence artificielle capable d'analyser les photos prises par Google Street View afin de reconnaître les modèles de voitures en circulation depuis 1990 dans 200 villes américaines. L'intelligence artificielle a appris toute seule à reconnaître ces voitures en se basant sur plus de 50 millions de photos prises par Google Street View. Elle a ensuite recoupé les résultats avec les études statistiques disponibles auprès du American Community Survey, qui réalise des sondages et des statistiques sur les communautés américaines. Ces statistiques, similaires à celles d'autres census, recensements, peu importe, portent sur l'âge, l'ethnie, le niveau d'éducation, le niveau de revenu ou encore les opinions politiques. Les chercheurs, dans un article publié le 28 novembre dernier dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, ont découvert qu'il existait une corrélation assez simple et claire entre les opinions politiques et le modèle de voiture acheté par les Américains. L'Université de Stanford, dans un post publié sur son blog officiel, donc un billet, donne un exemple. Si les berlines sont plus nombreuses que les pick-up dans un quartier donné, alors ce quartier a 88% de chances de voter pour le Parti démocrate. À l'inverse, là où les pick-up sont plus nombreux, il y a 82% de chances que le quartier vote républicain. Wow, il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour que l'intelligence artificielle qui a analysé les photos en 2 semaines à peine réussisse à identifier les quartiers votant pour le Parti démocrate et ceux votant pour le Parti républicain. À l'avenir, ça pourrait aider les campagnes électorales puisque les Américains font encore beaucoup de porte-à-porte. Et on sait que Hillary Clinton, si elle avait fait le tour de certains États, hein? Plus globalement, l'intelligence artificielle pourrait à terme réduire le coût des sondages et études menées par l'American Community Survey qui coûte près de 250 millions de dollars par année tout en réduisant le temps de traitement des informations. Votre smartphone pourrait bientôt détecter si quelqu'un regarde par-dessus votre épaule. C'est les chercheurs de Google qui vont présenter une technologie pour détecter si une autre personne que l'utilisateur est en train de regarder l'écran de son smartphone. Quand on utilise donc un téléphone, on n'a pas forcément envie qu'une autre personne nous surveille. C'est le problème qu'on pourrait essayer de résoudre. Deux chercheurs travaillent sur une technologie pour détecter les importuns. Cette technologie nécessite juste la caméra frontale du téléphone pour arriver à identifier le visage d'une autre personne que vous. Elle en est pour l'instant qu'à un stade préliminaire, mais les chercheurs ont publié une vidéo de démonstration sur Internet que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. Dans la vidéo, une alerte apparaît dès qu'une personne regarde l'écran du smartphone par-dessus l'épaule de son propriétaire. Et un effet de vomi arc-en-ciel à la Snapchat décore alors la personne indiscrète. Lee-Jung Ryu et Florian Schroff comptent également présenter leurs travaux lors de la conférence NIPS 2017, NIPS pour Neural Information Processing Systems, qui aura lieu au début du mois de décembre à Long Beach. Ils indiquent que leur protecteur d'écran fonctionne dans de nombreuses conditions d'éclairage, par exemple dans un ascenseur, et effectue la reconnaissance en seulement 2 millisecondes. Donc, ça va probablement mieux que Face ID sur iPhone 10. Le procédé n'est pas détaillé, mais on peut supposer qu'il passe par une phase d'apprentissage pour reconnaître le visage du possesseur du smartphone, afin par la suite de ne pas confondre cette personne-là avec d'autres intrus. Reste à voir si la technologie est viable avec de nombreuses personnes dans un train, dans un métro. Ça pourrait engendrer des alertes intempestives chez plusieurs personnes s'il y a beaucoup de gens derrière soi. Hein. Et Google n'a pas précisé s'il s'agit d'un simple projet expérimental ou si cette technologie pourrait arriver un jour dans une future version d'Android. On reste avec Google qui brevette un ordinateur portable avec une charnière intelligente. On a entendu parler de clavier intelligent, souris intelligente sur un ordinateur. L'écran peut peut-être être intelligent des fois. C'est Patently Apple qui a découvert le brevet en question. Cette charnière s'ajusterait automatiquement selon le visage de l'utilisateur. Et si le système détecte que le visage est trop bas, l'écran va basculer vers l'avant. Et s'il est trop haut, vers l'arrière. Tu comprends? C'est le contrat. Pour que vous soyez toujours dans le meilleur angle de vue. Hein? Et si c'est aussi fiable que l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran, j'en veux pas! Le brevet évoque aussi la manière dont cette charnière motorisée pourrait permettre à un ordinateur portable de s'ouvrir seul lorsque l'utilisateur est à côté. Ça nous sauverait au moins plusieurs centièmes de seconde. Ou lorsqu'on touche l'ordinateur, ça c'est peut-être mieux. Hein? Difficile de savoir si une machine sera un jour équipée de ce système, c'est ce qu'on va suivre, évidemment. On parle de peinture invisible maintenant, qui protégera vos meubles. Et ça, c'est vraiment cool. Vraiment. Donc, peut-être que vous avez déjà, nous dit ubergizmo.com, vous êtes déjà peut-être amusé à jouer avec de la colle. Mettre de la colle sur ses doigts pour ensuite l'enlever comme une deuxième peau. Eh bien, Billet fonctionne exactement de la même façon. Une fois sèche, ça forme un film de protection sur la surface qu'elle recouvre et protège des petits coups, des éraflures et autres petites traces synonymes d'utilisation quotidienne. Cette peinture fonctionne sur des surfaces comme le bois, le carrelage, la céramique et même certaines pierres, le granit entre autres. Donc, évidemment, vous allez peut-être pouvoir le faire un jour sur vos meubles. On dit que la peinture Billet se révèle par contre assez inefficace sur les surfaces poreuses. C'est trop poreux. Et comme le film de protection sur l'écran de votre smartphone, vous êtes censé retirer celui de la peinture Billet tous les quelques mois pour ne pas risquer qu'il reste collé de manière permanente. Je savais même pas ça pour les téléphones, mais voyons non. Si vous êtes intéressé, Billet existe en deux modèles, totalement transparent ou encore avec un petit effet matifiant, donc pour rendre ça donc sans reflet. Ça coûte environ 145$ oui, par bouteille en dollars américains. Hein? Et de toute façon, pour l'instant, c'est vendu seulement au Japon. Ensuite, les souris disposent maintenant de leur lecteur d'empreintes digitales. Oui, on parle vraiment de souris d'ordinateur. Hein? Cherry, qui est le fabricant de périphériques d'entrée informatique, présente la MC4900, une souris filaire 3 boutons avec un lecteur d'empreintes digitales intégré, qui permet une connexion et une authentification sécurisée. La caractéristique principale, donc, est le capteur intégré Crossmatch Touch Chip TCS2, avec une technologie de détection capacitive, qui rend la souris particulièrement adaptée au poste de travail partagé par différents utilisateurs au sein d'une même entreprise ou autre institution. L'empreinte digitale est utilisée pour une authentification sécurisée et rapide, que ce soit dans le cas d'une authentification unique ou d'une connexion en plusieurs étapes dans des logiciels appropriés. Ces fonctionnalités plug and play et forme symétrique, grand confort, disent-ils. On reste chez les animaux. On passe d'une souris au panda avec le Panda Guide. C'est des yeux pour les aveugles. Une petite caméra sur la tête, un minuscule haut-parleur et un smartphone, c'est ça le guide Panda, capable grâce à son intelligence artificielle de reconnaître des objets du quotidien et à la demande ou vocalement, il en indique la direction. Ce système léger et malin a obtenu le prix IDF Pulse du public 2017. Actuellement en test, le système reconnaît déjà un millier d'objets. Quand l'informatique qui est à l'œuvre, oui, apprend à reconnaître les formes dans n'importe quel environnement. L'entraînement se passe apparemment très bien. L'application qui tourne sur un téléphone mobile est en test chez une centaine de personnes déficientes visuellement. Ce sont elles, qui aident à optimiser la recherche. L'entraînement de l'intelligence artificielle, lui, s'est appuyé sur une communauté d'aveugles et de déficients visuels comptant 300 personnes. Chacune a répondu à des enquêtes qui ont orienté les choix finaux. Les essais doivent maintenant se poursuivre grandeur nature avec des bêta-testeurs. Ils cherchent des volontaires en France en ce moment. Le système complet n'a pas encore été intégré, mais il existe un prototype fonctionnel pour l'entraînement et une maquette du casque pour pouvoir affiner l'ergonomie. Le public a voté en ligne pour le prix IVF Pulse 2017 et ils se sont pas trompés, nous dit-on. L'innovation a définitivement prouvé ses possibilités. Et depuis ce prix qui a été remis le 19 septembre, des investisseurs se sont montrés et Panda Guide prépare une levée de fonds. La petite équipe y trouvera des moyens supplémentaires pour finaliser ce produit sans équivalent qui sera proposé au prix le plus bas possible et qui a vocation de devenir un appareil médical homologué et donc en partie remboursable. Ceux et celles qui auraient envie de rejoindre cette entreprise pour travailler chez Pedagal, il faut commencer par vivre 24 heures dans le noir complet afin de comprendre ce que représente une vie sans yeux. Cool, hein? Ensuite, une machine qui produit des hallucinations. Ouais, vous pensiez que les hallucinations étaient réservées aux personnes présentant des troubles psychiatriques ou ceux qui prennent peut-être des champignons magiques, mais non, avec leur voyons. Je commence à avoir de la misère, on dirait, rendu là dans l'émission. Avec leur Hallucination Machine, des chercheurs britanniques assurent pouvoir faire vivre l'expérience de ces troubles psychiatriques ou de ces drogues-là. Donc, on parle de passants à tête de chien, d'oiseaux au corps de cochon, de flots de diamants tourbillonnants. Ce sont que quelques exemples des hallucinations qu'ont pu vivre les 12 volontaires ayant testé la Hallucination Machine mise au point par des chercheurs de l'université de Sussex au Royaume-Uni. Ces hallucinations qui ressemblent à s'y méprendre à celles expérimentées par les vrais consommateurs de champignons hallucinogènes. Cette machine exploite Deep Dream, un algorithme mis au point par des ingénieurs de Google il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Les images aux allures fantasmagoriques qu'elle produit sont diffusées dans un casque de réalité virtuelle pour assurer une expérience immersive. Cela n'altère pas directement la neuropsychologie de la personne, un atout non négligeable pour les chercheurs qui étudient les états modifiés de la conscience, l'EMC qu'on appelle, car les propriétés phénoménologiques de tels états sont bien difficiles à isoler des effets physiologiques et cognitifs induits par des troubles psychopathologiques ou des substances psychoactives. Première observation importante rapportée par les chercheurs britanniques, c'est que les utilisateurs de la Hallucination Machine ne percevront aucune distorsion du temps, comme c'est pourtant classiquement le cas des consommateurs de champignons. De quoi conclure que de telles distorsions ne sont pas liées aux EMC, mais simplement à la prise de produits hallucinogènes. Et pour terminer, on reste dans le cerveau avec le jeu vidéo contrôlé par la pensée. On parle de Brain Invaders. Développé en France par le Gypsalab de Grenoble, Brain Invaders est un jeu vidéo qui fonctionne à partir d'une interface neuronale directe. Les ondes électriques, P300, émises par le cerveau sont interprétées comme des commandes pour faire feu, une technique qui pourrait être appliquée pour aider les personnes à mobilité réduite ou encore incapables de parler. Donc face à un écran, un joueur élimine des aliens sans utiliser ni manette ni souris, uniquement par la pensée. Donc le jeu vidéo Brain Invaders, développé par des chercheurs, laisse entrevoir de nouvelles compétences pour notre cerveau. Je cite, l'intelligence artificielle permet de décoder l'intention du sujet à partir de données encéphalographiques et les traduit en commandes, explique un chercheur au laboratoire Image Parole Signal Automatique à Grenoble Centre-Est, où a été conçu Brain Invaders. Dans ce jeu inspiré de l'iconique Space Invaders, des extraterrestres clignotent. Le joueur, en se concentrant sur l'alien qu'il veut éliminer, perçoit ce clignotement et son cerveau, sous l'effet de ce flash, émet automatiquement une onde cérébrale qu'on appelle le P300, connue pour se propager dans le cortex après toute stimulation, qu'elle soit visuelle, auditive ou tactile. En analysant les données encéphalographiques du joueur, les algorithmes définissent quel alien a clignoté juste avant que le cerveau ne produise cette onde et peuvent alors ordonner sa destruction. Ce jeu s'inscrit dans la lignée de travaux menés depuis déjà quelques années sur les interfaces cerveau-ordinateur, des systèmes informatiques permettant d'interagir avec une machine par le biais de la pensée sans utiliser de muscles ou de nerfs. Les premiers essais chez l'homme datent des années 80, mais les ICM sont toujours en cours de développement, ICM étant les interfaces cerveau-ordinateur. Les ICM sont toujours en cours de développement, compte tenu notamment des difficultés du traitement du signal électrique émis par le cerveau. On dit que le signal P300 est très faible et noyé dans tous les autres bruits produits par le cerveau, les yeux, la mâchoire, etc. Facebook avait annoncé en avril se donner 2 ans pour créer un système capable de lire dans le cerveau les mots qu'une personne veut prononcer pour ensuite les transcrire simultanément sur un ordinateur à la vitesse de 100 mots par minute. De son côté, le milliardaire Elon Musk, fondateur de l'entreprise spatiale SpaceX et du constructeur de voitures automobiles électriques Tesla, a annoncé se lancer dans un projet d'interface baptisé Neuralink, qui prévoit l'implantation dans le cerveau de minuscules électrodes capables de transmettre ou d'importer des pensées, le tout visant à amplifier le pouvoir du cerveau. En février, des scientifiques du Weiss Center for Bio and Neuroengineering de Genève en Suisse ont réussi à communiquer avec des patients totalement paralysés via une interface neuronale mesurant les niveaux d'oxygène dans le cerveau. Cette méthode non-invasive leur a permis de savoir si les patients répondaient oui ou non à une série de questions. Pour décrypter les messages du cerveau, les créateurs de Brain Invaders ont également opté pour une technique non-invasive en utilisant un casque d'électroencéphalographie. Je me rappelle avoir parlé de ça à l'émission et il me semble, si mon souvenir est bon, qu'on leur avait demandé à ces gens-là s'ils étaient heureux et ils avaient répondu oui. Je vais trouver ça particulier. Bref, à l'aide d'électrodes placées sur le cuir chevelu, le casque détecte l'activité électrique du cerveau et l'émission d'ondes P300. Les casques médicaux sont les plus performants, mais restent contraignants et surtout très chers. L'arrivée sur le marché de casques EEG, donc électroencéphalogramme, à bas coût ouvre la porte à un plus grand développement des interfaces cerveau-ordinateur. Outre un prix plus abordable, ces casques à faible coût ont l'avantage de fonctionner sans fil et sur batterie et ne nécessitent pas l'utilisation de gel conducteur. Autre particularité, selon les chercheurs, c'est que Brain Invaders s'affranchit d'une limitation majeure des ICM existantes, c'est-à-dire le besoin d'un étalonnage avant chaque utilisation. L'algorithme d'apprentissage automatique permet à la machine de s'adapter aux utilisateurs au fur et à mesure qu'ils jouent. C'est encore difficile de dire quand arriveront de réelles applications pratiques. Celles-ci sont déjà imaginables et devraient concerner deux grands secteurs, selon l'homme derrière tout ça. La santé, par exemple, pour suppléer l'absence de mobilité et le divertissement plus grand public, comme les jeux vidéo. Voilà pour Merci Science. Hein? Tout à l'heure, il va nous rester tout ce qui bouge. Avant ça, on écoute un petit peu plus de chiptune, mais cette fois-ci, et on continue en fait ce qu'on avait commencé tantôt, à l'album Future Dance Land, an electronic tribute to Diddy Kong Racing. On écoute la deuxième pièce de l'album qui est par Isaac Vale. Voici The Lap, Before Time, au Mathieu Plante Show sur Cifou. 89.1. Steven Mellon, hein, avec Jungle Techno Falls. Écoute, je dois mettre de la misère à lire de loin. Donc, c'était sur la trame sonore à Diddy Kong Racing, Future Dance Land, Electronic Tribute to Diddy Kong Racing. C'était donc la troisième pièce qu'on entendait de cet album-là, qui célèbre le 20e anniversaire de Diddy Kong Racing. Ça contient 20 pièces et plus de différents artistes qui rendent hommage à ce magnifique jeu de la Nintendo 64. Maintenant, c'est tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, oui, la chronique où on parle de tout ce qui bouge, que ce soit à pied, en train, en avion, en drone, peu importe, on commence avec... On commence avec quoi? Qu'est-ce que... Il me semblait que j'avais pris autre chose comme première nouvelle. Je crois que ça s'est mêlé dans mes affaires. Ben oui, on va commencer par... par les deux roues. Tiens. BMW qui imagine un futur avec des voies réservées aux deux roues électriques. Pour son concept de Vision E3 Way, BMW est parti du principe que les transports publics et les deux roues étaient bien plus usités, donc utilisés, que la voiture. Les villes ont alors des voies réservées aux deux roues électriques, comme les vélos. Ces voies réservées seraient créées au-dessus des routes actuelles, ajoutant alors autant de capacité au trafic. Ça permettrait aussi de réduire les accidents entre les voitures et les deux roues. Les voies en elles-mêmes intègrent des mesures de sécurité diverses, comme une limitation de la vitesse à 25 km/h. Selon le Dr Marcus Siddell, directeur du BMW Group Technology Office en Chine, le BMW Vision E3 Way ouvre la voie à une toute nouvelle dimension en ce qui concerne la mobilité dans les endroits surpeuplés, efficaces, pratiques et sûrs. Ça fonctionne en créant simplement un espace pour le trafic des deux roues zéro émission. En Chine, plus d'un milliard, un milliard de gens vivront dans les villes d'ici 2050 et le pays sera un formidable incubateur pour des innovations de mobilité comme le BMW Vision E3-Way. Pour l'instant, ce n'est qu'un concept. On verra si ça se produit un jour. Ensuite, on va en voiture avec les voitures autonomes et Google qui est reconnu maintenant à l'intelligence artificielle de sa voiture autonome comme un conducteur. Donc les premiers, voyons, les articles ont de la misère un instant, ça va aller. Donc on va à Phoenix en Arizona et en France, oui, Navya a présenté son robot taxi autonome Cab. Les questions techniques semblent réglées, reste l'évolution indispensable de la réglementation bien plus délicate. L'an dernier, on évoquait une étape importante. Aux États-Unis, l'autorité en charge de la sécurité routière avait reconnu que le pilote automatique des voitures autonomes de Google pouvait être considéré donc comme le chauffeur du véhicule. L'avis qu'a rendu la National Highway Traffic Safety Administration, l'autorité en charge de la sécurité routière aux États-Unis, marque une étape importante, marquée à ce moment-là, dans le développement des voitures autonomes. En réponse à une requête de Google, elle a admis que l'intelligence artificielle qui pilote sa voiture autonome peut être considérée comme un conducteur à part entière. Si de nombreux obstacles réglementaires doivent encore être levés, cette reconnaissance pourrait accélérer la mise en circulation de voitures totalement autonomes dépourvues de commandes physiques. Les voitures autonomes, justement, qui pourraient voir dans les angles morts. Développé au MIT, un système subtil d'analyse d'images détecte les personnes et des objets en mouvement dans des angles morts en observant leur ombre. Le dispositif qui peut fonctionner avec un smartphone demande à être perfectionné, mais il pourrait à terme être utilisé par les voitures autonomes. Les voitures donc autonomes sont dotées d'un système de vision à 360 degrés très performant basé sur des capteurs d'ultrasons, des lidars et des caméras grâce auxquelles peuvent détecter les véhicules en mouvement, distinguer les piétons et les cyclistes et même voir la nuit. Un lidar étant le Light Detection and Ranging, un laser qui fonctionne comme un radar. Mais il est une chose qu'elles ne peuvent pas encore faire, c'est-à-dire déceler la présence d'un autre véhicule masqué par le coin d'une rue. Ça pourrait bientôt changer grâce aux travaux d'une équipe du CSIL, on en a parlé tantôt, c'est le Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory du MIT qui est le Massachusetts Institute of Technology. Ça s'appelle Corner Cameras, un système donc d'imagerie qui peut fonctionner avec l'appareil photo d'un smartphone qui se sert de la réflexion lumineuse pour détecter des personnes ou des objets masqués par des angles morts en mesurant leur vitesse et leur trajectoire en temps réel. En effet, même caché par l'angle d'un mur, un objet réfléchit une faible quantité de lumière au sol qui se projette dans le champ de vision couvert par la caméra, et c'est cette ombre portée qui est décomposée en images pour être analysée. Simple dans son principe, cette technique se révèle aussi efficace dans la plupart des conditions d'éclairage. Elle fonctionne à l'extérieur, mais également à l'intérieur de bâtiments et n'est pas perturbée par la pluie. Et le fait qu'elle puisse travailler avec le capteur photo-vidéo de smartphone du commerce laisse augurer la possibilité de l'intégrer facilement et à faible coût dans des voitures autonomes. Il y a plusieurs autres détails dans l'article sur assemblagehockey.com. Ensuite, Lamborghini qui dévoile un concept car capable de s'auto-réparer. Donc, un nouveau concept de supercar bien différent de tout ce qu'on a pu voir chez le constructeur auparavant. C'est le Terzo Millennio, troisième millénaire en italien, qui est annoncé comme la première supercar autoréparante au monde. Lamborghini s'est associé avec deux laboratoires du MIT, encore eux, pour développer ce concept. De nombreux capteurs répartis sur tout le châssis permettent à la Terzo Millennio de réaliser un diagnostic et de lancer elle-même les réparations le cas échéant, en remplissant une fissure, par exemple, par des nanotubes pour contenir le tout. Cette supercar est toute électrique, alimentée par des supercondensateurs en lieu et place de batteries traditionnelles fabriquées à base de carbone pour s'intégrer dans les différents panneaux de la voiture. Il y a aussi un système de stockage de l'énergie très particulier, permettant notamment une recharge rapide et offre une capacité bien supérieure à celle d'une batterie classique. Les quatre roues disposent de chacune de leur propre moteur électrique intégré, lequel s'illumine lorsque la voiture roule. C'est très futuriste. Difficile de savoir si ce concept sera un jour commercialisé, ni même quand certaines des technologies de cette Terzo Millennio se retrouveront dans des véhicules de la marque. On va en autobus maintenant, où les bus londoniens rouleront bientôt grâce aux marques de café. Les déchets font partie de la vie, on en génère quotidiennement. Certains peuvent être réutilisés, d'autres non. Le marque de café, par exemple, est utile dans le jardin ou dans les tuyaux, et bientôt, il servira à alimenter les bus de Londres. Biobean, Shell et Argent Énergie ont travaillé de concert pour mettre au point le biocarburant B20, créé à partir d'un mélange d'huile extraite de marque de café et de gasoil. Gasoil? Gasoil. Et pour en profiter, les bus n'auront pas à être modifiés d'une quelconque manière. Malheureusement, pour l'instant, c'est la quantité de ce carburant qui fait défaut. Il en existe seulement pour alimenter un seul bus pendant une seule année. Mais comme le précise le site Engadget, quand on sait que pas moins de 20 millions de tasses de café sont bues chaque jour à Londres, on se dit que la production pourrait augmenter assez rapidement et facilement. On va en train ensuite, le premier train de voyageurs flottants en construction à Seattle. Aux États-Unis, Seattle est actuellement en plein chantier. La ville accueille déjà 4 des plus grands ponts flottants du monde. Et aujourd'hui, elle construit le premier train de voyageurs flottants au monde. L'agence de transport local Sound Transit travaille à la construction du premier train de voyageurs flottants. Le projet devrait être achevé avec un pont flottant au-dessus du lac Washington en 2023. Ce projet fait partie d'un vaste plan à 3,7 milliards de dollars pour développer une ligne de voie ferrée pour relier Seattle à Bellevue dans l'état de Washington. Le pont devra supporter 2 paires de trains de 300 tonnes qui évolueront à 90 km/h. C'est un gros défi. Sound Transit estime à 50 000 le nombre de passagers quotidiens. Si un incident venait à survenir sur le pont et que le train déraillait, celui-ci pourrait tomber du pont et couler à 60 mètres de fond. Donc, il ne peut pas y avoir d'erreur. Une vingtaine de pontons seront reliés entre eux et ancrés au lit du lac avec des câbles d'acier pour assurer la flottabilité de la structure et stabiliser l'ensemble en cas de fortes vagues et ou de vent fort. Justement, on reste dans les trains. Des consoles de jeux et des salles de sport s'en viennent dans les trains allemands. Sa mission donc première du transport en commun qui est de vous amener à destination. On le sait... quand même, mais il faut se divertir. Wi-Fi, prise pour appareils électroniques, service de restauration, tout ça, c'est quand même répandu dans les trains. En Allemagne, la Deutsche Bahn imagine des trains équipés de téléviseurs et de consoles de jeux vidéo, de zones de jeux pour les enfants et même de salles de sport pour que les passagers puissent faire du sport en allant à l'école ou au travail. Évidemment, idée intéressante, c'est pas encore une réalité. Le journal Süddeutsche Zeitung rappelle par exemple que certaines de ces idées ne pourraient pas passer les règles de sécurité en place, mais quand même, on y réfléchit. Ensuite, on va en jetpack. On monte dans les airs. Le Britannique Richard Browning vient de s'adjuger un record du monde de vitesse avec sa combinaison inspirée du super-héros Iron Man. Équipé de réacteurs au niveau des bras et du dos, il a volé à quelques mètres au-dessus d'un lac à plus de 51 km/h. Richard Browning, qui est à ce jour l'incarnation la plus crédible d'Iron Man, ce Britannique, ancien militaire de carrière et grand sportif, vient de battre le record du monde de vitesse la plus élevée dans une combinaison propulsée par réacteur et contrôlée par le corps, selon la dénomination créée spécialement par le livre Guinness des records qui a homologué la performance. L'exploit, qu'on peut voir en vidéo sur assemblagerequis.com, s'est déroulé au-dessus d'un lac à Laguna Park dans la ville de Reading, au Royaume-Uni. Le pilote devait voler sur une distance minimale de 100 mètres et dépasser les 48 km/h. Il y est parvenu au bout de la troisième tentative en atteignant 51,5 km avant de finir sa course dans l'eau. En drone maintenant, qui est un drone qui permet de retrouver une femme disparue. Les drones sont utiles dans bien des situations, que ce soit la photographie, la vidéo, la surveillance, l'armement. Ils peuvent aussi être utilisés pour la recherche et le sauvetage de personnes. Ça a été le cas en Caroline du Nord aux États-Unis pour retrouver une femme disparue. Selon le reportage de Fox News, Mary Brown, 81 ans, marchait près de sa maison la dernière fois qu'on l'a vue. Dès qu'elle fut déclarée disparue, la police de Randolph County lançait un drone à sa recherche. Elle fut retrouvée environ après 30 minutes de patrouille. Rapide. Dans un post sur Facebook, le shérif Robert A. Graves révélait que l'unité canine donc, avait été dépêchée sur les lieux, mais le terrain difficile et un champ de maïs rendaient les recherches très difficiles. Le pilote du drone, l'officier Adam Kroll Pfeiffer, a pu localiser la personne disparue en 25 minutes. Le programme de drone du bureau du shérif est l'un des projets les plus récents, dit-il, et s'ajoute à la liste de leurs efforts pour passer de bon à très bon dans le service qu'ils rendent à leur communauté. Vous pouvez voir une vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. On reste chez les drones avec une course de drones, une intelligence artificielle de la NASA qui se mesure à un pilote humain. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a organisé une course entre des drones autonomes et un pilote humain. Résultat, si l'homme a encore le dessus, l'écart avec l'intelligence artificielle est très faible. Cette dernière a même fait montre de qualités de pilotage prometteuses pour le meilleur et pour le pire. Les courses de drones sont de plus en plus populaires avec des championnats internationaux et des pilotes professionnels. Munis de lunettes First Person View, donc FPV, vue subjective, pour le vol en immersion, ces personnes font preuve d'une dextérité et de réflexe à toute épreuve pour manier leurs engins à très haute vitesse sur des parcours piégeux. Face à eux, les drones autonomes conduits par des algorithmes semblent encore bien lents dans leur capacité à gérer les obstacles et à naviguer, mais ça devrait pas durer. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a récemment organisé une course opposant des drones autonomes à un pilote professionnel du nom de Ken Liu. Ce dernier s'est imposé, mais la performance des drones de la NASA laisse entrevoir de grands progrès en matière de navigation. L'agence spatiale travaille depuis 2 ans sur un programme de drones autonomes financé par Google. Le géant de l'Internet s'intéresse en particulier à la technologie de navigation basée sur la vision que la NASA a développée pour les vaisseaux spatiaux. Le système a été transposé à des drones en intégrant la technologie de numérisation 3D en temps réel Tango, développée par Google et qui a notamment servi pour cartographier l'intérieur de la Station spatiale internationale. Le JPL a construit trois drones autonomes surnommés Batman, Joker et Nightwing, capables de voler jusqu'à 130 km/h. Équipés de deux caméras avec objectif à grand angle, l'une à l'avant, l'une sur le vent de l'appareil, ils filment leur environnement en temps réel, tandis que l'intelligence artificielle corrèle ces informations avec une carte du circuit préenregistrée qui contient la trajectoire à suivre. Tout plein d'autres informations sur assemblagerequis.com. Et finalement, il est possible de pirater un avion de ligne à distance. Des chercheurs américains ont réussi à hacker un Boeing 757 en utilisant des ondes radiofréquences. Un événement de bien mauvaise augure pour l'industrie aérienne qui, à l'heure actuelle, n'est pas armée pour lutter contre le piratage informatique. Donc, mauvaise nouvelle pour les compagnies aériennes. Pirater un avion à distance est non seulement possible, mais également difficile à contrecarrer, nous raconte 01net.com. Des chercheurs en sécurité américains en ont fait récemment la démonstration dans le cadre d'une mission du US Department of Homeland Security, donc la sécurité interne, l'agence fédérale de la sécurité intérieure. Voilà. L'expérience a eu lieu l'année dernière, mais les éléments n'ont été rendus publics que la semaine dernière à l'occasion de la conférence CyberSat Summit. Comme le relate le site Avionics, relayé par The Register, les chercheurs du DHS ont réalisé leur test sur un Boeing 757 reçu le 19 septembre 2016. Deux jours plus tard, ils ont réussi une pénétration à distance et non coopérative, a expliqué un membre de la division Cybersecurity du DHS. Je cite ce qui signifie que je n'ai eu personne qui a touché l'avion et je n'ai bénéficié d'aucune aide interne. Je me suis tenu à distance en utilisant des équipements typiques qui pourraient passer à travers le contrôle de sécurité et nous avons pu établir une présence sur leur système d'avion. Alerté au cours d'une réunion qui s'est tenue en mars dernier, des pilotes d'avions d'American Airlines et de Delta Airlines auraient été stupéfaits de cette nouvelle. Les détails de ce piratage sont évidemment tenus secrets. Robert Hickey a seulement expliqué avoir utilisé des communications radiofréquences. Pour sa part, le hacker Chris Roberts, qui aurait déjà réussi à prendre le contrôle d'un avion à partir de son système de divertissement, estime que le DHS s'est probablement appuyé sur le système de communication ECARS pour Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Celui-ci permet à une station au sol de contrôler automatiquement l'état de l'avion au sol et d'acheminer des communications d'ordre opérationnel et logistique. Or, selon Chris Roberts, le système a également un accès total au système de gestion de vol et à l'unité de gestion des communications de l'avion. En réalité, cette nouvelle n'est pas une véritable surprise, nous apprend-on. Depuis plusieurs années, les spécialistes en sécurité informatique alertent les autorités et le public sur les risques de piratage dans l'aviation. En 2013, le consultant Hugo Tessot avait dévoilé Plansploit, une application mobile qui serait capable de détourner un avion. En 2014, le hacker Ruben Santamarta a présenté des techniques permettant de détourner les communications satellites des avions. Et la même année, le professeur britannique David Stopples a tiré le signal d'alarme en estimant qu'il était possible de faire crasher un avion en déposant une bombe logique dans ses systèmes informatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire, donc? Pour l'instant, personne ne sait vraiment, car l'industrie aéronautique n'est pas du tout préparée à ce type de situation, nous dit-on. Ainsi, les failles de sécurité ne sont pas vraiment gérées. Selon Avionics, une correction dans une ligne de code dans un équipement d'avion coûterait $1 million et demanderait un an pour être déployée. Une faille critique dans un Boeing pourrait donc mettre à genoux des compagnies aériennes entières, car elles seraient obligées de laisser leurs appareils sur le tarmac et verraient leurs revenus s'écrouler. Par ailleurs, les équipes de maintenance des compagnies aériennes ne seraient pas du tout formées pour tester les équipements informatiques des avions et y dénicher des failles. On dit que cette perspective est d'autant plus catastrophique que les anciennes générations d'avions comme le Boeing 757 n'ont pas été conçues selon les principes de sécurité informatique. Or, ces vieux coucous, dit-on, représenteraient plus de 90% du transport aérien. Petite lueur d'espoir, par contre, les avions de nouvelle génération comme le Boeing 737 ou le Airbus A350 ont un bien meilleur design de ce point de vue et devraient donc être mieux protégés, jusqu'à preuve du contraire. Voilà pour tout ce qui bouge. On continue en musique, pourquoi pas, avec deux pièces, pour l'instant, du même album. C'est par Hirokazu Hip Tanaka, qui produit de la musique chiptune depuis qu'il a commencé sur les consoles de Nintendo dans les années 80. Il a créé les sons mémorables de Metroid, Dr. Mario, Earthbound et Pokémon. Ce nouvel album-là est une première pour le compositeur. Donc, Django, c'est le nom de l'album. C'est son premier album complet sous son nom de scène Chip Tanaka et sur sa propre étiquette de musique. Alors, c'est un album en 13 pièces disponible sur iTunes et Bandcamp. Et on va entendre deux pièces. Il y en a une qui a un vidéoclip, c'est la deuxième qu'on va entendre, Beaver. Mais avant ça, on écoute Ringing Dub tout de suite par Chip Tanaka. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou! We'll be right back. c'était Chip Tanaka avec la pièce Django, troisième pièce de cet album qui porte le même nom. Avant ça, c'était Beaver et au début, c'était Ringing Dub. Donc, j'ai parlé de Chip Tanaka tantôt un tout petit peu. C'est le gars derrière la musique de Dr. Mario, Earthbound, Pokémon et Metroid dans les années 80. Voilà, c'était pour le Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis entre 15h et 17h. T'en rappelle les jeudis à 13h. Je l'aime aussi à Assemblage Requis en compagnie de Tania Baudelaire du lundi au vendredi entre 7h et 10h. Programmation complète sur CIF.ca, notre émission balado diffusion sur assemblagerequis.com. Restez là pour Audiomatique pour les auditeurs du mercredi. On va se quitter avec quelque chose d'autre de spécial. C'est d'autres pièces, en fait, une longue pièce, oui, de The Swinging Globes. Elle s'appelle Quick Call. C'est du jazz un petit peu, donc on reprend plein de thèmes, que ce soit les Avengers, dans ce cas-ci Sonic the Hedgehog et Undertale, qui se mélangent ensemble. Vraiment, vraiment cool. Allez voir ça, The Swinging Globes, oui, la pièce Quick Call. Et à la prochaine, de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show et Mathieu Plante, c'est Mathieu Plante, vous avez été planté! Bye bye!